keto keto rockstar, keto keto rockstar, keto keto rockstar. Ouh. Original Bunker Bros, t'es enfoiré. Les rôdeurs, t'as dit quoi? Les rôdeurs, t'as dit quoi? Les rôdeurs, t'as dit quoi? C'est toujours avec le fond la force. C'est toujours avec le fond la force. Check. Navigue sous la tempête, sous les étoiles. Je vais pas lâcher la barre, je veux pas clasher la PAC. Mais ma bouche tu verras cracher la balle. Je suis pas anti-snapback, ni anti-puto, anti-garce. Pas d'handicap, pour péter la SACEM. Les principes handicap, y'a pas de prince de la ville. Les gamins vomissent de la bile. Les dollars brisent, et puis la scar sur 10 qui veulent niquer la Brinks. Je suis fidèle à mon pic, mon style à mes pensées morbides. J'aime dépenser mon bif, sortir un Big Mac, défoncer mon bide. J'ai pas trouvé la bonne, quelques feats pour boucler l'album. Je vais manger la carotte, faut que je trouve la conne qui veulent croquer la pomme. Trop de mythos avec leur sac et leur veste matelassée. Je fais de la pub à personne, je te réponds pas même si tu m'as clashé. Un coup de poker sur la table, j'ai posé mes couilles, mec. Remballe ton rap de merde si tu proposes autre chose qu'un coup de maître. Tous les mêmes vers si t'avances les poches, vider les couilles pleines. On fait des choses bizarres, mais jamais de peur à tirer un coup de tête. Un coup de poker sur la table, j'ai posé mes couilles, mec. Remballe ton rap de merde si tu proposes autre chose qu'un coup de maître. Les mêmes vers si t'avances les poches, vider les couilles pleines. On fait des choses bizarres, mais jamais de peur à tirer un coup de tête. Coup de tête. Yeah. Yeah. On fait des choses bizarres mais jamais on pleura sur un arme. Keto keto rockstar, keto keto rockstar. En face les keufs t'es marre. Lève le pied où ce sera le comique office. Mets le fric dans une enveloppe pour plus tard où ce sera le comique d'office. Chaque jour on mise nos vices, c'est sur Iblis qu'on mise nos vices. Fantôme à l'assassin depuis que je sais qu'il n'y a pas de comique au fisc. Je suis un gars pisse, mais certaines meufs diront que je fais le bouc. Si t'as un truc à dire, t'as fait t'appeler, fais le cas sur Facebook. J'ai mal au crâne, même sans whisky qui se promène dans le ventre. Un schlass, ça fait moins mal qu'un pote qui fait des promesses dans le vent. J'sais pas pour passion les bits de drogue et les précieux métaux. Fais le pif tout seul, tes potes qui pleurent au poste sont des présumés taupes. Y'a peu de personnes pour qui je suis là, pour eux des fois je m'en prends. S'il y a pas d'intérêt, les gens me parlent pas de vos vies, je m'en branle. Un coup de poker sur la table, j'ai posé mes couilles, mec. Remballe ton rap de merde si tu proposes autre chose qu'un coup de maître. Tous les mêmes vers si t'avances les poches, vider les couilles pleines. On fait des choses bizarres mais jamais de peur à tirer un coup de tête. Un coup de poker sur la table, j'ai posé mes couilles, mec. Remballe ton rap de merde si tu proposes autre chose qu'un coup de maître. Les mêmes vers si t'avances les poches, vider les couilles pleines. On fait des choses bizarres mais jamais de peur à tirer un coup de tête. Canon sur la tête, bordel dans la tête. Ça fait du bif souvent pour sortir de la dèche. Pour l'ospect des têtes, ici les rêves sont têtes. Signe-moi mon chèque pour qu'on fasse le tour de la terre. Ton rap c'est de la merde, mec, on fait pas la même merde. M'appelle pas frère, t'as bien vu qu'on a pas la même mère. Le rap c'est la guerre, mais faut pas s'en faire, frère. Avec le fond, la force, balance les pieds vert. Un coup de poker sur la table, j'ai posé mes couilles, mec. Remballe ton rap de merde si tu proposes autre chose qu'un coup de maître. Tous les mêmes vers si t'avances les poches, vider les couilles pleines. On fait des choses bizarres, mais jamais de peur à tirer un coup de tête. Un coup de poker sur la table, j'ai posé mes couilles, mec. Remballe ton rap de merde si tu proposes autre chose qu'un coup de maître. Les mêmes vers si t'avances les poches, vider les couilles pleines. On fait des choses bizarres, mais jamais de peur à tirer un coup de tête. Coup de tête. Coup de tête. Coup de tête. Coup de tête. Coup de tête.